Donne-moi 3 bombes de Montana, 5 rames de métro, 7 minutes pour un carnage de prono. Le tag, c'est comme le rap, juste une question de flow. MC, t'es dans le faux, tu vois flou, aveuglé par mon crew. Mais dis-moi, tu serais pas fou, fou de vouloir test avec le putain de crew. Trop crouillé si tu te rends, on te au fond d'un trou. Trop trou, négro. Mais qui a le trou tout terrain? Numéro 1, du trottoir au souterrain. Même avec la souche sur les reins, je crois bien. C'est nous, t'es ma pour grave, je milite avec tout mon tuyau unit. Et tu connais ma recette? Et tu poules avec mes tripsets. Sur qui tu tripes sec? Cache un style intrinsèque, tu veux nous clash? Mais je te conseille de détendre nous 3-5-7 transforme au quotidien en conceptant. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs, mets de l'étrage avec tes. On a repeint le secteur du réseau ferroviaire. Mon blasé dans le trop, mais jusqu'à mon casier judiciaire. La prochaine fois qu'on me sert, pareil, je prends un enferme. Te court-circuite pas, sinon pour toi, c'est l'overkill. Crachard de venin dans les rues parisiennes. On rôde les Nova Pompin là où y'a plus d'hygiène. Rien que ça parlait devant nous, ça mouille comme des chiennes. Un petit conseil passe, pas pour ton blase à GDN. 357 antenne, là c'est la MIFA. J'paye ma ZEFA pour Yuri 16, nerveux slam ça. Rien que des pulls gras sur les stores de Nampa. Hey, combien de bananes j'ai mis à Bricorama. On a nos blases autour de la capitale, pas sur les forums de graff où les mecs chialent. Et si on te repasse, bah ouais, c'est la street normale. On fait nos pièces en scratch, mets ton quartier en mode sale. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs, mets de l'étrage avec des. J'pose un 3, j'pose un 5, j'pose un 7, j'pose un 16, vandale. Vite F, la tête de Wam, tu peux pas test, trop bas. Trip 7, cousine, tu crânes, on te met une disquette. A Kito, c'est mon blast, crasher de velin, c'est la mixtape. Sature des nightclubbers, t'as vu les blasts, tu pleures. V'là du lettrage, fais-toi plaisir, espèce de sale suceur. T'as vu les faces, suceur. Reste sur la touche, sois pas sur nous quand tu nous croises. T'en as tout pas autour de la bouche, suceur. Sur ce, j'me casse, insociable, on n'a pas d'alliés. Ta gueule va travailler, tes lettrages dans ton cas. Je m'en bats les reins, j'suis ceux qui font rien mais qui critiquent. Tu veux du trompe, du train, j'dis rien, demande à l'équipe. Jamais en chante, bon plan, t'es mal à la place, comprends. Jusqu'à fond toi, ce qu'on flanc 95, mon grand 3-5-7 squadra, créateur d'emploi. Demande au bœuf combien de panels il nettoie dans le mois. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs, mets de l'étrage avec des. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs avec mon blast, mets de l'étrage avec tes grosses couilles. J'ai faire que as, ou sinon j'dégueulasse les murs, mets de l'étrage avec des.